et ceux dont la tisane est près de la maison. Vois cette triste femme, celui qu'elle aimait tant, dans sa vie de misère, est mort en combattant tout à l'autre bout de la terre. Alors toi, petit garçon, non, ne joue pas à la guerre auprès de cette maison au solitaire. Ne viens pas pour rappeler maintenant à cette femme les jours qui ont vu couler tant de ses larmes. Ce fut le seul amour de sa tendre jeunesse, mais le bonheur un jour fit place à la détresse. Malgré même le temps, sa peine est toujours vive. C'est bien dur à 20 ans de perdre sa raison de vivre. Alors toi, petit garçon, non, ne joue pas à la guerre auprès de cette maison au solitaire. Ne viens pas pour rappeler maintenant à cette femme les jours qui ont vu couler tant de ses larmes. Elle ne sourit plus et vit constamment seule. De son bonheur perdu, non, rien ne la console. Mais elle revivra peut-être cette femme le jour où elle aura su oublier tout de ce drame. Alors toi, petit garçon, non, ne joue pas à la guerre auprès de cette maison au solitaire. Ne viens pas pour rappeler maintenant à cette femme des jours qui ont vu couler tant de ses larmes, tant de ses larmes, tant de ses larmes.